Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toute cette semaine, la fiction en public et en direct du Musical Vais à Avignon. Comme chaque année, France Culture s'installe au Musée Calvet à l'occasion du Festival d'Avignon. Nous y sommes arrivés le 10 juillet et nous avons lancé les festivités avec la pièce de Michel Vinaver, Bettencourt Boulevard, et un hommage à Patrice Chéreau. Ce soir, l'exercice est plus périlleux, nous sommes en direct jusqu'à 21h et pour cette première émission, nous allons accueillir sur le plateau le metteur en scène et musicien Mathieu Boer, les musiciens Sylvain Cartigny, Lazare Bogossian et enfin le grand acteur André Wims. Une heure de théâtre musical à partir des textes de Heiner Müller, Ajax par exemple et Prométhée. Heiner Müller, écrivain, poète, metteur en scène, dramaturge allemand, est mort il y a tout juste 20 ans, en décembre 1995. Il avait coutume de dire qu'il avait passé sa vie sous deux dictatures. Né en 1929, il voit son père arrêté en 1933 par les nazis et envoyé dans un camp. Après la guerre, il passe directement sous le régime communiste en RDA et sera jusqu'à la chute du mur confronté à la censure, aux surveillances, aux interdictions. Mais Müller, qui se disait réfractaire et non dissident, ne quitta jamais l'Allemagne de l'Est, et même après la chute du mur, il ne quitta jamais son HLM de Berlin-Est jusqu'à sa mort. Toute l'œuvre de Müller est une sorte de long dialogue avec les morts, en particulier avec les Grecs, Sophocle, Euripide, mais aussi Shakespeare, qu'il aimait particulièrement et qu'il réécrivait autant que les antiques. On a qualifié Müller de postmoderne, on a dit qu'il était un cas. Le cas Müller, ce fut le titre d'un spectacle proposé ici au Festival d'Avignon par Jean Jourdeuil et Jean-François Perret en 1994. Il eut plus de succès en Allemagne de l'Ouest, en France et aux USA qu'en Allemagne de l'Est, qui l'exclua en 1961 de l'Union des écrivains. Et certains vous diront que son personnage était devenu plus célèbre que son œuvre. Visage creux, longiligne, lunettes carrées au bord noir, un cigare cubain à la bouche et une bouteille de whisky à proximité. Ce soir, vous entendrez Ajax, par exemple, un long poème en vers qu'il avait publié un an avant sa mort dans un grand journal allemand, puis Prométhée, une réécriture du mythe, symbole de la difficulté pour les individus et les peuples de se libérer des dictatures. André Wims est un grand interprète de Müller en France. C'était lui et Evelyne Didi et François Château qui ont donné voix souvent aux textes de Heiner Müller. Mathieu Boer et ses complices musiciens sont aussi des familiers de Müller. Ils se retrouvent ce soir sur le plateau du Musée Calvet pour notre plus grand plaisir. Je salue donc Mathieu Boer à la batterie, Sylvain Cartigny à la guitare électrique, Lazare Bogossian au sample et au clavier, et en rockstar ou en bluesman, comme il voudra, André Wims. Une réalisation pour la radio de Alexandre Planck en direct. Paperback, you saw my knee, man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy, back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Geez, good to be back home. I'll leave it till tomorrow to pack my case on a disconnector phone. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are. Back in the US, back in the US, back in the USSR. The West behind. The Moscow girl make me sing and shout. The judge is always, always on my mind. My mind. zwischen ABC und 1x1 die Pisten pfeifend an die Schulhauswand. Die Lehrer hinter vorgehaltener Hand, habt ihr kein Schamgefühl? Wir hatten keins. Als Abend ward, wir stiegen auf den Baum, von dem sie früh den Toten schnitten. Leer stand nun sein Baum. Wir sagten, das war der. Wo sind die anderen? Zwischen Ast und Erd ist Raum. Ajax, par exemple. Ajax, zum Beispiel. Meine Freunde. Der Blues, man. Eins. Dans les débits de livres, les best-sellers s'entassent. Littérature pour idiots, à qui la télévision ne suffit pas. Soyez. Ou le cinéma qui rend débile plus lentement. Moi, dinosaure, mais pas de Spielberg. Me voici réfléchissant à la possibilité d'écrire une tragédie. Sainte noblesse. Dans un hôtel de Berlin, capitale irréelle. Par la fenêtre, mon regard tombe sur l'étoile Mercedes qui tourne mélancolique dans le ciel nocturne au-dessus de l'ordre d'antenne Auschwitz et autres filiales de la Deutsche Bank. Sur l'Europa Center, Europe, le taureau est abattu, la viande pourrie sur la langue, pas une vache échappe au progrès. Les dieux ne te rendront plus visite. Tout ce qui te reste est le dernier. Ah, Calvin. Et la puanteur de chair brûlée que chaque jour le vent sans patrie t'apporte de tes frontières. Et parfois, sortant des caves de ta prospérité, la cendre qui chuchote, les eaux en poussière qui chantent, un déroulant sur le cours Fürstendamm annonce au monde Peter Zadek montre les dents à Berlin. Beware of dentists. Beware of dentists. Beware of dentists. Allemande. Ai-je lu, en secouant la tête, vu l'état d'innocence de 1948, comment une révolution peut-elle être un malheur? Dans la postface de Brecht, amer courage, qui a limé les crocs de la réforme, aujourd'hui je peux écrire la suite. Et les guerres de Napoléon qui ont limé ceux de la révolution, et la guerre froide qui a limé ceux du prématuré socialiste. Depuis, l'histoire danse de nouveau le tango. Digression sur évolution et médecine dentaire, écrite au siècle des dentistes. Deux, prothèses dentaires, un, prix Buchner. Le siècle touche à sa fin. Celui qui vient sera celui des avocats. Le temps est à vendre comme bien immobilier dans le building sous l'étoile Mercedes aux étages de la direction de la culture. Quel mot ! Qui fut le directeur de Phidias, un marchand de tapis de Smyrne à ce que dit Polydore. L'art non plus ne vit pas seulement de poussière. La lumière brûle encore, les crânes sont sous pression forcée pour faire des économies. Les amputés s'entraînent à marcher droit sur des béquilles de location en fibre de verre sous la surveillance du sénateur aux finances. Tout dépend de l'argent. J'ai mis Faust dans le sarcophage de Goethe à Weimar. À la voix prise d'Einar Schläfe, qui fait répéter ses cœurs dans le cœur de Schneider. Moi, le dinosaure, dans le bruit du climatiseur, et la vis serrée jusqu'à l'os par le percepteur. Le pouvoir de l'État, c'est l'argent. L'argent! L'argent appelle l'achat. Le travail ne rend pas libre. La patrie est là où arrivent les factures, dit ma femme. Je lis Ajax de Sophocle, par exemple. Histoire d'une expérience de vivisection. Tragédie jaunie d'un homme avec qui une déesse lunatique joue à Colin-Maillard de l'an 3 dans la fosse du temps. Arnold Schwarzenegger dans Tempête désert. Pour me faire comprendre des lecteurs d'aujourd'hui, moi, Ajax, victime d'une double trahison, ich, Ajax, Opfer zweifachen Betrugs, un homme à Stalinstadt, district de Francfort-Oder, à la nouvelle du changement de climat à Moscou, ôta en silence du mur le portrait du bien-aimé guide de la classe ouvrière du communisme mondial. S'essuya les pieds sous l'image du dictateur mort, se pendit au crochet redevenu libre. Sa mort ne fut pas digne de passer aux informations. Une vie pour le broyeur à papier, où personne ou tous était le mauvais programme pour tous. Y a pas de quoi. Le dernier but de guerre, le dernier but de guerre est l'air qu'on respire. Ou bien Kaulich libéré par l'armée rouge du goulag de Hitler. Après avoir marché 4 jours, il entend par une fenêtre en miettes sa femme crier. Voit un soldat de la glorieuse armée rouge qui la jette sur un lit, oublie l'ABC du communisme et brise le crâne du camarade libérateur. S'autocritique en parlant avec le mort, sans écouter sa femme qui crie encore, est aperçu pour finir pendant son transport au goulag de Staline, sa deuxième épiphanie. Chante l'international dans le wagon à bestiaux. Et s'il est mort, il chante maintenant encore, sous la glace, avec les communistes morts. Le bonheur d'écrire des années 50, quand on était à l'abri dans le verre blanc, entre les parois du vaisseau fantôme qui chavirait, protégé par le pathos ironique des rimes plates. Il n'y a qu'à compter les temps forts contre l'éboulement des statues, dans l'éternité de l'instant, dans la misère de l'information. Bild Zeitung lutte pour vous. Bild Zeitung lutte pour vous. raconter devient de la prostitution. Il lutte. La tragédie prend l'âme. Staline, par exemple. Depuis que ses totems sont en vente, du sang coagulé en médaille de plomb. Porte de Brandebourg pour les petits-fils de Hitler. Quel texte devrais-je mettre dans sa bouche ou fourrer dans sa gueule? Question de point de vue. Dans l'enclos de ses dents jaunes, dans sa morsure de loup du Caucase, pour s'amuser au Kremlin en attendant Hitler, quand Lénine, muet, lui apparaît dans la vodka, bégayant et braillant après sa deuxième attaque. L'ébranleur du monde à qui sa langue ne veut plus obéir. Lénine Dada! Lénine Dada! Lénine Dada! Son monde, un carré de Malevitch. Le tartare qui ne comprend plus la loi de la steppe. Devenu romain au mauvais moment. Que son exécuteur a dans le sang, lui le caucasien. Ou bien Trotsky, la hache de Macbeth encore dans le crâne. Le poing serré pour le salut bolchevique. Hamlet, le juif, dans la tourelle d'un char allemand. Ou bien Boukharine qui chante dans la cave. Le préféré du parti, l'enfant de l'Europe. Avec Hitler, peut-être s'est-il parlé d'homme à homme ou de bête à bête. Question de point de vue. Le fossoyeur des morts, avec le conducteur des morts. Le fossoyeur des morts, avec le conducteur des morts. Après 10 ans de guerre, 3 étaient mûrs pour le musée. Un objet bon pour l'archéologie. Seule une chienne hurle encore sur la ville. Avec les ossements, le vengeur fonde à Rome. Coup ! Une femme se brûlant vive à Carthage. La mer des éléphants d'Hannibal. Rome, allaitée par la Louve qui hérita du vainqueur. La Grèce, une province dont on tira la culture. 3000 ans après la naissance sanglante de la démocratie par... Bain, filet, hache, au Nacht, Schwarzenmutter, au nuit, mer ténébreuse. Dans la maison des Atrides, Athéna, progéniture de la tête, manie de forceps, la troisième robe, enceinte du malheur, se dresse vers Bethléem pour prendre une nouvelle forme. L'ivresse des vieilles images, la fatigue, dans le dos, le murmure interminable du programme de télévision. Avec nous, vous êtes au premier rang. La difficulté d'imposer le verre contre le staccato publicitaire qui invite les voyeurs à sa table. Donne-nous, aujourd'hui, notre crime quotidien. Donne-nous, aujourd'hui, notre crime quotidien. Donne-nous, aujourd'hui, notre crime quotidien. Nous, aujourd'hui, notre crime quotidien. Dans ma mémoire, fait surface un titre de livre, au premier rang. Rapport sur des morts en Allemagne, des communistes tombés dans la guerre contre Hitler, jeunes, comme les incendiaires d'aujourd'hui, sachant peu de choses, peut-être comme les incendiaires d'aujourd'hui, sachant des choses et n'en sachant pas, tombés pour un rêve qui laisse solitaire, là où la marchandise tourne en rond avec la marchandise, leur nom oublié et effacé de la mémoire, au nom de la nation. De la nation, quoi que ce puisse être ou devenir, dans l'actuelle mixture de violence et d'oubli, dans le froid sans rêve de l'espace cosmique. Mon double, mein Zosi. Moi, Ajax, qui perd à flot son sang, tordu sur son épée, sur la plage de Troie. Eins. Dans la neige qui chuchote sur l'écran. Zwei. Les dieux sont de retour après la fin des programmes. Drei. Se consume la nostalgie pour la rime pure. Vier. Qui change le monde en désert, le jour en rêve. Fünf. Les rimes sont des jeux d'esprit dans l'espace sans trêve. Six. Les ondes lumineuses n'écument pas sur la grève. Sieben. La statue de Brecht est un prunier à feuilles brèves. Acht. Et ainsi de suite. Quoi? Autant qu'en donne la langue ou le dictionnaire de la rime allemande. Le dernier programme est l'invention du silence. Moi, Ajax, qui perd à flot son... Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell, like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in USSR. Show me how to stop it now. Thank you. Prométhée, qui avait livré l'éclair aux hommes, mais ne leur avait pas pris à s'en servir contre les dieux, parce qu'il prenait part au repas des dieux, hein, qui partageait avec les hommes, aurait été moins copieux, hein, fut à cause de cet acte, ou plutôt de cette omission, attachée par ordre des dieux sur le Caucase par Héphaïstos le forgeron. Là, un aigle à tête de chien mangeait chaque jour de son foie, qui repoussait sans cesse. L'aigle, qui le tenait pour une portion de roche partiellement comestible, capable de faire de petits mouvements, et surtout quand on en mangeait d'émettre un chant discordant, se soulageait aussi sur lui. Cette fiente était sa nourriture, il la rendait transformée en sa fiente sur la pierre en dessous, si bien que lorsqu'Héraclès, son libérateur, gravit après 3000 ans la montagne vide d'hommes, il fut certes capable de repérer à très grande distance le captif tout blanc et brillant de fiente d'oiseau, mais perpétuellement repoussé par le mur de puanteur, il fit durant 3000 ans de plus le tour de la montagne pendant que l'être à tête de chien continuait à manger le foie du prisonnier et à nourrir celui-ci de sa fiente, si bien que la puanteur augmentait dans la même mesure que le libérateur s'y habituait. Prométhée, qui avait livré l'éclair aux hommes mais ne leur avait pas appris à s'en servir contre les dieux, parce qu'il prenait part au repas des dieux, qui, partagé avec les hommes, aurait été moins copieux, fut, à cause de cet acte ou plutôt de cette omission, attaché par ordre des dieux, sur le Caucase par Héphaïstos le forgeron. Là, un aigle, à tête de chien mangeait chaque jour de son foie qui repoussait sans cesse. L'aigle, qui le tenait pour une portion de roche partiellement comestible, capable de faire de petits mouvements, et surtout quand on en mangeait d'émettre un chant discordant, se soulageait aussi sur lui. Cette fiente était sa nourriture. Il la rendait transformée en sa fiente sur la pierre en dessous. Si bien que lorsqu'Héraclès, son libérateur, gravit après 3000 ans la montagne vide d'hommes, il fut certes capable de repérer à très grande distance le captif, tout blanc et brillant de fiente d'oiseau, mais perpétuellement repoussé par le mur de puanteur, il fit, durant 3000 ans de plus, le tour de la montagne pendant que l'être à tête de chien continuait à manger le foie du prisonnier et à nourrir celui-ci de sa fiente, si bien que la puanteur augmentait dans la même mesure que le libérateur s'y habituait. Enfin, favorisé par une pluie qui dura 500 ans, Héraclès put venir jusqu'à portée de tir tout en se bouchant le nez d'une main. Trois fois, il manqua l'aigle parce que, assommé par la vague de puanteur qui l'assaillait quand il ôtait la main de son nez, il avait fermé les yeux, involontairement. La troisième flèche laissa légèrement le prisonnier au pied gauche. La quatrième tua l'aigle. Prométhée, à ce qu'on raconte, pleura bruyamment l'oiseau, son seul compagnon pendant 3000 ans, son soutien et sa nourriture pendant 2 fois 3000. trompette et, à ce qu'on raconte, pleura bruyamment l'oiseau, son seul compagnon pendant 3000 ans, son soutien et sa nourriture pendant 2 fois 3000. Sont-ce tes flèches que je vais manger, cria-t-il, et oubliant qu'il avait connu d'autres nourritures, est-ce que tu peux voler, paysan, avec tes pieds de fumier? Et il vomit. Et il vomit à cause de l'odeur d'écurie qui s'accrochait à Héraclès depuis qu'il avait nettoyé les écuries d'Augias. Parce que le fumier puait jusqu'au ciel. Mange l'aigle, dit Héraclès. Mais Prométhée ne pouvait pas comprendre le sens de ses paroles. De plus, il savait bien que l'aigle avait été son dernier lien avec les dieux et ses coups de bec quotidiens, le souvenir qu'ils avaient de lui. Funky. Plus agitée que jamais dans ses chaînes, il injuria son libérateur, le traitant d'assassin, et essaya de lui cracher au visage. Héraclès, qui se tordait de dégoût, cherchait cependant les liens avec lesquels l'enragé était attaché à sa prison. Le temps. Les intempéries. Et la fiente avait rendu chair et métal impossible à distinguer l'un de l'autre. Et tous deux, impossible à distinguer de la pierre. Le temps, les intempéries et la fiente avaient rendu chair et métal impossible à distinguer l'un de l'autre. Et tous deux, impossible à distinguer de la pierre. Desserré par les mouvements plus violents du prisonnier, ils se laissèrent discerner. Il apparut qu'ils étaient dévorés par la rouille. Sur le sexe seulement, la chaîne était mélangée à la chair, parce que Prométhée, au moins pendant ses 2000 premières années sur la pierre, s'était occasionnellement masturbé. Après, il avait probablement oublié son sexe aussi. Après, il avait probablement oublié son sexe aussi. De la libération, il resta une cicatrice. De la libération, il resta une cicatrice. Prométhée aurait facilement pu se libérer de lui-même s'il n'avait pas eu peur de l'aigle sans armes et épuisé par les millénaires comme il était. Qu'il ait eu plus peur de la liberté que de l'oiseau, son comportement lors de sa libération le montre. Criant et écumant, il défendit ses chaînes avec dents et ongles, contre l'intervention du libérateur. Une fois libéré, sur les mains et les genoux, hurlant du supplice d'avoir à se mouvoir avec des membres engourdis, il réclamait à grands cris sa place tranquille sur la pierre sous l'aile protectrice de l'aigle, sans autre changement de lieu que lorsque les dieux l'ordonnaient par des tremblements de terre occasionnels. Et quand il put de nouveau marcher, il résista, pour ne pas descendre comme un acteur qui ne veut pas abandonner la scène. Héraclès dut le prendre sur ses épaules pour lui faire quitter la montagne. 3000 ans encore dura la descente chez les hommes, pendant que les dieux arrachaient la montagne de sa base, si bien qu'à cause du tourbillon des quartiers de roche, la descente ressemblait plutôt à une chute. Héraclès, pour qu'il ne se blesse pas, porter son précieux butin blotti sur sa poitrine comme un enfant, cramponné au cou de son libérateur, Prométhée lui indiquait à voix basse la direction des projectiles, si bien qu'ils purent en éviter la plupart. Dans l'intervalle, à grands cris poussés vers le ciel, qui était obscurci par le tourbillon des pierres, il affirmait être innocent de sa libération. Suivi le suicide des dieux. L'un après l'autre, ils se jetèrent de leur ciel sur le dos d'Héraclès, et s'écrasèrent dans les éboulis. Prométhée se fit de nouveau une place sur l'épaule de son libérateur et prit la posture du vainqueur qui, montant un bourrin trempé de sueur, va au-devant des vivats de la population. Onassis, Erfinder der Totenschiffe. Die Kalas, schönste Stimme des Jahrhunderts, teilte sein Bett. Frage: Warum sterben die kleinen Leute? Was haben die Großen getan? Ich kann dir die Welt nicht zu Füßen legen. Sie gehört mir nicht. Ich werde dir keinen Stern pflücken. Ich habe kein Geld für Blumen und keine Zeit, Verse zu machen. Nur für dich. Mein Leben wird so und so zu knapp sein für ein ganzes. Wenn ich dir sage, für dich werde ich alles tun, werde ich dir eine Lüge sagen. Du weißt es. Ich liebe dich mit meiner ganzen Liebe. Eins! Blaubart, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum, das Blut vom Schlüssel, was kein Regen ab, denn Tod auf deine Netzhaut deckt kein Grab, kein Engel sprengt mit Flügel deinen Raum, die toten Frauen essen deinen Traum, der Beischlaf ist das Standgericht, im Jahr der Wolfmilch siehst du dein Gesicht. Zwei. Blaubarts, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum. Das Blut vom Schlüssel wäscht kein Regen ab, denn Tod auf deiner Netzhaut deckt dein Grab. Kein Engel springt mit Flügel deinen Raum, die toten Frauen essen deinen Traum. Der Beischlaf ist das Standgericht, im Jahr der Wolfmilch siehst du dein Gesicht. Drei. Blaubarts, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum, das Blut vom Schlüssel wascht kein Regen ab, denn Tod auf deiner Netzhaut deckt kein Grab, kein Engel sprengt mit Flügel deinen Raum, die toten Frauen essen deinen Traum, der Beischlaf ist das Standgericht, im Jahr der Wolfmilch siehst du dein Gesicht. Vier! Blaubarts, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum. Das Blut vom Schlüssel wäscht kein Regen ab, denn Tod auf deiner Netzhaut deckt kein Grab. Kein Engel sprengt mit Flügel deinen Raum, die toten Frauen essen deinen Traum. Der Beischlaf ist das Standgericht, im Jahr der Wolfmilch siehst du dein Gesicht. Fünf! Blaubarts, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum, das Blut vom Schlüssel wascht kein Regen ab, der Tod auf deiner Netzhaut deckt kein Grab, kein Engel springt mit Flügeln einen auf, die toten Frauen essen deinen Traum, der Beischlaf ist das Standgericht, im Jahr der Wolfsmilch siehst du dein Gesicht. Sechs! Blaubarts, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum, das Blut vom Schlüssel wascht kein Regen ab, der Tod hat auf den Netzhaut, deckt kein Grab, es bringt mit Flügeln auf, die toten Frauen in deinen Traum, der Beischlaf ist das Standgericht, im Jahr der Wolfmilch siehst du dein Gesicht. Sieben. Blaubarts, verbotene Tür, verbotene Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum. Das Blut vom Schlüssel wascht kein Regen ab, der Tod auf deiner Netzhaut deckt kein Grab. Kein Engel springt mit Flügeln an den Raum, die toten Frauen in deinen Traum. Der Beischlaf ist das Standgericht, ja, du wirst nicht. Vous venez d'entendre en direct en public du musical V Ajax, comme Domaine Ennemi, vous entendez en direct en public les ovations pour André Vince, Mathieu Bauer, Sylvain Cartini, Lazare Bedossian, une réalisation d'Alexandre Planck. Je dois dire que tout le monde dans le musical V est debout et applaudit André Vince et tous les musiciens. C'est très, très émouvant, c'est très fort, c'est magnifique. Encore une fois, tout le monde remonte sur le plateau, en direct, en public, toujours, à Avignon. Beaucoup de monde dans le musical V rempli, tout le monde debout. Voilà, c'était donc en direct, en public. Ajax, pour me donner un ennemi. Je vais accueillir tout de suite André Vim s'il veut. Mathieu Bauer à côté. Oui. Voilà, il nous reste 9 minutes pour aller jusqu'au bout de cette heure en direct sur France Culture. C'est un grand moment. Donc je vous invite à rester avec nous si vous voulez entendre André Vim, entendre Mathieu Bauer. Attention, voilà. Mathieu Bauer. Peut-être ouais. Avant André qui reprend son souffle. Oui, laissez-moi reprendre mon souffle. Est-ce que c'est plus de mon âge que ça? c'est les deux chants du cygne. C'est un beau chant du cygne. C'était magnifique. Mathieu Bauer, ça fait un petit moment que vous promenez avec cette forme de ce Ajax, ce Prométhée. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que... Ça va, ça vient. Et je dois dire encore lui que c'était à l'initiative de Lucien Atoun que tout a commencé. Ouais. C'est bien ça ? Ben, il y a 20 ans. C'était à l'invitation de Lucien qui avait offert une carte blanche à André. Il me semble, hein, c'est ça, André ? Oui. Voilà. Et André était venu avec ce texte de Heiner Müller. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Blandine, André fait partie des acteurs qui ont beaucoup joué à Heiner Müller, qui connaissent très bien. Et puis il nous a proposé comme ça, de mettre... C'était il y a 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. On avait, c'était pas le chant du cygne encore, mais quand même. Peut-être qu'on buvait plus. Non. Et puis, de fil en aiguille, on a fait une deuxième version, à l'invitation d'Anda Golonka, qui est une chorégraphe allemande, qui nous a mis au défi de le faire dans un spectacle un soir à Francfort. André a fait oh, on relève le défi. Et puis, on a fait cette version-là, celle que vous avez entendue, juste ce premier poème de Müller, donc Ajax zum Beispiel, qu'on me donne un ennemi. Et puis ensuite, moi, j'ai eu envie. De le reprendre et puis de le distribuer avec deux autres actrices, deux autres acteurs, des actrices en l'occurrence, et puis surtout de changer la langue. Et on a fait une version qui s'appelait Dry Time Ajax, avec le premier texte en anglais, en allemand et en français. Et puis à l'invitation des Bouffes du Nord, pour finir, on a refait encore une nouvelle version où on a choisi Prométhée. Ça me semblait assez juste par rapport à la situation actuelle, par rapport aux Grecs, par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je me suis dit, tiens, c'est marrant comment ça résonne. Et puis André le connaissait très bien, le texte, donc, puisqu'il l'avait fait, je crois, hein, tu m'arrêtes, mais avec Heiner Goebbels. Et puis ça va vite, on travaille vite. La langue de Müller permet de travailler vite, ça c'est absolument incroyable. Pour des musiciens, c'est juste une pure splendeur. Il y a des images absolument incroyables, il y a un rythme absolument incroyable. Puis quand c'est servi par André, c'est juste un plaisir. Voilà, c'est un peu une histoire, c'est notre histoire commune un peu, Heiner Müller. Je suis venu au théâtre par Heiner Müller. Je partirai avec Heiner Müller, très certainement. Et je pense que c'est intéressant de le réentendre assez régulièrement, en fait. On s'en est un peu lassé à un moment donné, mais il me semble que c'est tellement juste par rapport à maintenant, ici. C'est Michel Deutsch, je crois, qui vous a réunis pour la première fois, vous, André Vims, et puis vous, Mathieu Bauer, et puis Sentimental 3-8 ou Sentimental Bourreau, votre groupe. Et c'était pour les imprécations 2-4-36. Michel Deutsch, qui est aussi un grand fanatique, on va dire, d'Heiner Müller, qui a écrit une somme entière sur Heiner Müller. André Vims, finalement, Müller vous a accompagné un peu toute votre vie. Ah oui, on peut le dire, mais pas toujours en bien non plus. Parce que non, allons, on va être sérieux. Ouais, Müller, c'est compliqué. Passant le premier texte, J'avais un jour demandé qu'est-ce que ça veut dire ça et ça. Il m'avait dit, écoute, contente-toi de lire le texte comme un bottin téléphonique et ne pose pas de questions. Hein? Je m'étais dit, il n'a pas tort, en fait, parce qu'on va commencer. Bon, non, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est assez compliqué comme auteur, mais c'est bien. C'est un auteur, j'arrive à comprendre comment il écrit dans sa tête. C'est, j'entends le bruit de sa plume. Et ça, c'est pour ça que j'arrive peut-être à ne pas le dire trop mal, parce que je comprends assez bien comment... J'entends bien comment il écrit dans son crâne. Et ça, ça me plaît toujours. J'aime bien dire des auteurs dont je comprends un peu comment dans leur tête ça fonctionne. Donc, comment ils écrivent. J'entends le bruit du stylo. Et ça, c'est pas mal. Et après, bon, je me contente d'essayer de survivre pendant une heure. En disant, purée, il faut arriver au bout, quoi. C'est pas mal déjà d'arriver au bout, quoi. Vous l'avez connu avant la chute du mur? Oui. Ouais. On disait qu'après la chute, il n'écrivait presque plus, Müller. Non, il n'écrivait plus, et puis... Il est devenu un génie de l'interview. En fait, comme Godard. Ouais, un peu comme Godard, effectivement. Et c'est vrai, c'est assez juste. Il a commencé à plus donner que des interviews, assez violentes d'ailleurs, contre la réunification allemande, évidemment, contre pas mal de choses. Et puis, il s'est lentement... Il ne s'est pas épargné dans l'existence. C'était le whisky et la cigare, là, ça y allait quand même, quoi. Donc, il est mort dans une espèce de joyeux désespoir. Salut, hein. Que je voulais vous dire, il a fumé, quoi. Il a continué à boire, et puis voilà, c'est parti, quoi. Il faisait encore partie, il n'était pas encore dans la LC Wave de maintenant, quoi. Il ne faisait pas de jogging, il ne faisait pas de choses comme ça, quoi. C'est invraisemblable, il n'était pas encore, il fumait, il buvait, quoi, comme un homme normal. Et maintenant, ça paraît tellement aberrant, quoi. Tu vois que tu peux même plus fumer ici. Moi non plus, mais je ne dois pas. Non, vaut mais mieux pas. Vaut mieux pas. Mais bon, quand même, c'était des gens, bon, ouais, ça avait de la tenue. Et pas de la mollesse. Quoi. Là, tout le monde qui jogue maintenant, ça me répugne. Vous avez du public, hein. Non, mais... On vous aime ici. Je me souviens que... Et c'est parti. C'était Winston Churchill, hein, qui disait « Pourquoi vous avez no sport, hein ?» Quand même, même des grands hommes, hein, je ne sais pas seulement. Ça ne nous empêche pas de lire l'équipe. Oui, on lit l'équipe. D'accord, bon. C'est vrai. Alors, il est 20h57 sur France Culture. On va lancer petite musique du générique de fin. Et vous allez la reconnaître, André Vins, parce que ici, hier soir, nous avons... rendu hommage à Patrice Chéreau. Avec Dominique Blanc, nous avons entendu des textes écrits par Patrice Chéreau, et il y avait cette musique, Karma Coma, La solitude des champs de coton. Dans La solitude des champs de coton, où il dansait Chéreau génialement. Il dansait génialement Chéreau. Tu disais Chéreau, il ne sait pas danser, quoi. Ah bah non, il savait danser, dis donc. Incroyable. Pascal Grégory et lui faisaient des danses comme ça, assez sauvages. C'était vraiment... Bon. Que dire sur Chéreau ? Que dire sur Chéreau ? Formidable, quoi. Vous avez quelques secondes pour dire quelque chose sur Chéreau. Respect, total respect, comme diraient les jeunes. Non, c'était un énorme mot. C'était un énorme bonhomme, quoi. Énorme, formidable. Un grand metteur en scène. Très grand, très grand. Alors, c'était un salut à Patrice Chéreau, c'était un salut à Ina Müller. Ici, en direct du musée Calvet, vous avez entendu Ajax, qu'on me donne un ennemi, d'après Ajax par exemple, et La libération de Prométhée de Heiner Müller, traduit par Jean-Pierre Morel, orchestré par Mathieu Boer à la batterie, avec André Vims et les musiciens Sylvain Cartigny à la guitare et au chant, et Lazare Bogossian, clavier et au sample. C'était une réalisation de Alexandre Planck, une production France Culture avec le nouveau Théâtre de Montreuil, équipe technique de France Culture, Yvan Charby, Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau, David Anéas, chargé de production Jean-Christophe Perrin, assistant à la réalisation Vivien de Meyer. Un grand remerciement aux équipes du musée Calvet, du Festival d'Avignon, à Rachel Sciorra, le Théâtre du Montreuil, au Théâtre de Montreuil. Tous les écrits de Heiner Müller dans les traductions de Jean-Pierre Morel sont parus aux éditions de Minuit. Il y a d'autres traducteurs d'ailleurs de Heiner Müller. Et puis, je vais vous dire, demain, venez ici pour la grande table d'été avec Maïnis Besserie à 12h45 en public au Musée Calvet. Et demain soir, en direct et en public du Musée Calvet, Les Suppliantes, dans la traduction et l'adaptation de Olivier Pie, avec Philippe Girard et Mireille Herbstmeyer et Frédéric Le Sacripant. Et encore une fois, Ajax, demain soir à 22h au Musée Calvet, ici en public. Il est 21h et nous retrouvons Paris pour les programmes de France Culture.